Mardi 19 mai, bienvenue à cette avant-dernière émission de l'aérospatiale pour la saison 2014-2015. Julie, j'ai gagné avec vous pour parler art visuel jusqu'à 18h30. Aujourd'hui, on discute avec Alexis Bellavance autour de son exposition « Les premiers » qui est présentée à Regard. Également, Jean-Tiens Lafrance est allé faire un tour à la maison Amel Bruno pour parler de l'exposition « Don Darby, l'homme et la matière ». On discute aussi avec Michael A. Robinson de son exposition « Black Period » qui est présentée à l'œil de poisson. Raymond Poirier nous fera sa dernière revue de presse puisqu'il sera absent la semaine prochaine. Et le tout sera ponctué des suggestions de Simon Roy. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, très. Dis-moi, Simon, cette semaine, on écoute Attilio Doreste et José Guillén. Oui, je vous ai trouvé un peu de bruit. Donc, c'est Attilio Doreste qui fait des field recording. Donc, il prend des sources audio existantes un peu partout dans le monde. Puis son compagnon, José Guillén, lui modifie ça. Donc, un peu d'audio processing derrière ça. Ça donne des trucs complètement pas reconnaissables. C'est assez incroyable. Comme la première pièce, Hello World, c'est pris à partir d'un ascenseur de centre d'achat. Oh, OK. Mais c'est tellement modifié qu'on le reconnaît pas. Ça donne des ambiances vraiment spéciales. Donc, c'est l'album, c'est Harsh Machine. C'est sur l'étiquette Buddhist on Fire. J'invite les auditeurs à télécharger l'album en se rendant sur le blog de l'aérospatiale. .wordpress.com. Mais Simon, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà, on écoute tout de suite un extrait. Hello World. Voilà, c'était un extrait de l'album Harsh Machines de Attilio Doreste et José Guillén. Ou en tout cas, je sais pas trop comment le dire. C'était une suggestion de Simon Roy. Je vous rappelle que Simon anime Web Musique sur les ondes de CKRL les dimanches à compter de 19h, il me semble. J'ai un doute. Oui, c'est ça. Raymond Poirier, bonjour. Bonjour. Raymond, c'est l'heure de la revue de presse. Exactement. Et notamment, ben, en fait, on l'a un peu échappé. C'est sorti fin avril. Alors, ben voilà, le 33e Symposium international d'art contemporain de B-Saint-Paul qui a annoncé les 12 artistes qui vont participer à cette édition. Ouais, édition qui est assez attendue dans mesure où c'est aussi une nouvelle direction artistique pour le symposium. Alors, c'est Marie Perrault, donc critique et commissaire, qui a réalisé au cours des 20 dernières années plusieurs expositions en art contemporain, signé de nombreux essais pour des revues spécialisées, catalogues, qui a pris donc la direction artistique de l'événement. Un événement qu'elle offre du 31 juillet au 30 août prochain sous le thème « Murmure du quotidien ». Alors, avec le peintre, cinéaste et écrivain Marc Séguin qui agit à titre de porte-parole. Alors, évidemment, ce qui nous intéresse tout particulièrement, parce que reste que la formule elle-même ne changera pas nécessairement de manière intégrale. Donc, la formule reste similaire et les 12 artistes sélectionnés à la suite d'un appel de projet ou invités directement par la directrice artistique sont unis par leur utilisation d'objets, de gestes et de scènes de la vie courante comme vecteur de la créativité et de l'enchantement, ou encore comme un révélateur de la complexité des rapports liant l'individuel et le collectif, des rapports humains, évidemment. Alors, on a Christopher Boyne, photographe qui fait aussi dans l'installation ou dans le dessin. Lui va reproduire les bateaux passant au large de Baie-Saint-Paul. L'intervalle entre chaque passage va déterminer le temps consacré à la réalisation de chacune des maquettes. Il y aura Mathieu Cardin, qui lui s'exprime au moyen d'installation. Lui, il va transformer son atelier en un paysage surprenant, nous dit-on, par une accumulation d'objets trouvés ou fabriqués. Annie Descoteaux, elle, donc, utilise des collages, des crayons de couleur. Elle va juxtaposer une série d'objets usuels à ses papiers découpés. Anna Hawkins, vidéaste, donc, qui, elle, s'intéresse à la culture web, va réaliser des vidéos humoristiques à partir de logiciels éducatifs tirés du web. Il y a Suzanne Jones, qui, elle, va s'approprier des horoscopes quotidiens qu'elle va lier au parcours personnel de chacun, à ceux qui leur prêtent à tout le moins, à tous les jours, les mouvements des astres. Donc, s'amuser un peu avec ça. David Martineau, La Chance, cinéaste, dessin, sculpteur, qui va revisiter ses dessins d'enfants réalisés à Charlevoix. Mireille Perron, elle, va faire un projet expérimental autour de la pataphysique. John Player, lui, va réaliser des tableaux à partir de photographies aériennes et d'images satellitaires. Bernard Pourponnière, qui, lui, va s'inspirer des routines quotidiennes pour en souligner le caractère créateur. Karen Ellen Spencer, elle, à partir d'extraits de journaux, d'affichages des médias sociaux, elle va explorer les fractures entre ruralité et urbanité. Marie-France Tremblay, qui, elle, va réaliser une scène animée d'objets familiers de personnages variés. Et enfin, Myri-Marie Vérinen, elle, autour de préoccupations écologiques, va réaliser une œuvre liant environnement naturel et bien-être quotidien. Alors ça, c'est les artistes. Évidemment, il y a plus aussi autour de tout ça. L'intégrale de la programmation est disponible sur le web. On aura légué le site également via le Facebook de l'émission. Merci d'en parler, Raymond, parce qu'effectivement, on l'avait échappé. J'ai pas vu le communiqué, je l'ai échappé. Sinon, petite note au passage, la Conférence des collectifs et des centres d'artistes autogérés a annoncé le lancement du premier répertoire en ligne du réseau. C'est un répertoire qui se veut une base de données en ligne autour des collectifs et des centres d'artistes autogérés partout au Canada, donc elles sont peut-être te connaître un peu plus facilement cet univers-là. Sinon, on souligne qu'une une Canadienne qui habite à Londres, qui a été nominée pour un prix extrêmement prestigieux, le prix Turner édition 2015. Alors, il s'agit de Janice Kerbel, qui emprunte au mode narratif conventionnel pour créer des formes imaginées. Elle a été finaliste en fait pour son travail performatif appelé Dog, dans lequel elle crée 9 pièces musicales pour 6 voix. Alors, ben voilà, félicitations à elle. Évidemment, c'est pas rien. C'est le prix de la Tate, en fait, de Londres, donc quand même. Sinon, petite anecdote, en fait, je vous incite surtout à aller voir l'article qu'on a relayé sur le Facebook de l'aérospatiale, dans la mesure où c'est un artiste qui s'appelle Chris Lloyd, qui fait depuis quelques années une performance artistique autour de la politique, où il s'imagine, se prétend, s'amuse à être conservateur, et qui a décidé de pousser un peu plus loin sa démarche en devenant candidat à l'élection contre Justin Trudeau. Évidemment, bon, ça a pris quelques semaines avant, entre guillemets, qu'il ne soit démasqué. Il a depuis démissionné. Mais je suis tombé sur il y a plusieurs articles qui en ont parlé. Ah oui, c'est vraiment la grosse histoire la semaine dernière. Et celui du National Post est quand même assez bien. Si vous n'avez pas eu l'occasion de farfouiller, je ne résumerai pas en détail parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments autour de tout ça. Mais allez jeter un coup d'œil à l'article, ça vaut la peine. Et en terminant, recherché depuis 1815, la dormeuse du peintre français Ingres, pendant de la grande odalisque, se cacherait peut-être dans un musée de Naples derrière une œuvre médiocre, faussement attribuée à un peintre baroque. Alors, c'est une nouvelle thèse qui est défendue par Véronique Burneau. Et donc là, en Europe, il y a un certain milieu des arts qui se s'entre-déchire autour de tout ça et qui réfléchit à savoir, est-ce qu'on peut se permettre d'aller fouiller, d'aller gratter, voir. Est-ce que ça vaut la peine, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Encore là, plusieurs résumés de situations qui sont disponibles un peu partout par les médias. Et elle estime justement qu'elle a réussi en analysant différents éléments, différentes dont sources la courbe, documentaires. Apparaît-il qu'il y aurait une grande courbe qui ne pourrait être qu'attribuable à l'odalisque. Ah ben voilà, est-ce vrai, est-ce faux? Dossier à suivre. Dossier à suivre, ben oui, ben vous le suivrez par vous-même, en fait, Raymond, parce que c'est ta dernière revue de presse. Et exactement, mais en fait, comme tu quittes bientôt l'aérospatiale, alors ce sera la fin de nos collaborations radiophoniques. Ben oui, 8 ans. 8 ans, rappelons, pour ceux qui étaient peut-être là à l'époque, que j'ai commencé à la radio en faisant des chroniques avant 9 ans, tout est possible. Tu m'as donné cette chance. Et ben merci aussi de m'avoir donné la chance et la possibilité de poursuivre cette collaboration et d'offrir comme ça de manière hebdomadaire des revues de presse depuis déjà quelques années. Quand même, hein? Et merci à toi, Julie, puisque je pourrais pas te le dire la semaine prochaine, mais j'en profite pour te remercier évidemment pour ton travail solide sur l'aérospatiale au fil des 5 dernières années. Voilà, ben après ce moment touchant, on s'en va. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On s'en va pour se dire, on écoute Open Loop. Voilà, on est de retour à l'aérospatiale. Depuis déjà, je crois, 2 semaines, L'Œil de Poisson présente l'exposition Black Period. Et pour en parler avec nous, l'artiste qui l'a réalisé, Michael A. Robinson. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai le misère de vous entendre. Ah oui, là, est-ce que vous m'entendez mieux? Ah oui, c'est un peu mieux. OK, bon, ben je vais placer ma bouche au bon endroit sur le micro. Monsieur Robinson, c'est votre deuxième exposition à Québec en moins d'un an? Quand même, hein? Oui. C'est vrai, c'est une histoire d'amour. Ben oui, c'est ça, on s'était rencontrés à l'automne dernier pour discuter de mesures d'austérité au lieu. Maintenant, là, on est dans un autre ordre d'idées avec Black Period. J'ai envie peut-être de poser la question du titre, parce que moi, Black Period, ça me fait penser, par exemple, période bleue de Picasso, mais ça m'a aussi fait penser à comme période noire, période difficile. C'est dans quel sens que vous l'avez nommé ainsi, l'expo? Ben, c'est exactement, je voulais faire un petit clin d'œil des périodes qu'on connaît bien, des artistes passent à travers des moments qui tachent leur palais avec une couleur ou une autre. Mais pour moi, c'est plutôt un clin d'œil à ça, le fait que c'est maintenant un petit quelque chose de peut-être pas trop positif. Cette fois-ci, je me permets un moment de poser une question, peut-être des fois à sauter parce qu'ils sont des questions qui sont plutôt sombres des fois. Ouais. Vous intéressez cette fois-ci au monde des foires d'art contemporain, au marché de l'art? Mais c'est plutôt le marché en général. Le marché, OK. C'est pour moi, cette fois-ci, chaque fois que je fais une expo, moi, c'est toujours un lien avec qu'est-ce que je veux vivre. Mm-hmm. Donc, cette fois-ci, c'est pas une exception. C'est qu'est-ce que je veux vivre? C'est un moment que je trouve que le monde de l'art, en général, s'est préoccupé peut-être avec des choses qui est dérangeant, mais plutôt comment ça change le travail d'un artiste ou comment ça peut mettre l'artiste à l'épreuve des fois. Je pense aux jeunes artistes aussi parce que je suis enseignant, donc je suis souvent entre qu'est-ce que les jeunes pensent et puis comment la vie se transforme pour eux. Cette espèce d'écart entre l'intention artistique ou l'idéal artistique qu'on peut avoir, puis la réalité, finalement, qui s'inscrit justement dans un contexte où le marché de l'art est en pleine effervescence. Je peux poser la question pour dire, OK, mais c'est quoi les choses qui nous intéressent? C'est quoi les choses qui est le plus important quand on pense à une œuvre d'art? Est-ce que c'est combien ça va se vendre ou est-ce que c'est vraiment l'état que nous amène à, ou un état que l'art nous amène à revivre ou repenser? Et puis, je pense que mon œuvre ne fait pas d'exception dans le sens que je pose des questions. Je demande, OK, est-ce que c'est vraiment la valeur d'une œuvre, le montant que ça se vend pour, ou est-ce que c'est vraiment d'autres choses? Alors, c'est quoi alors? Et c'est comme relancer comme question comme ça. Ce que je trouve intéressant dans l'exposition, c'est que vous reprenez les sculptures, la sculpture, là, je ne sais pas comment vous les nommez, je dis en forme d'atome, là, mais où il y a vraiment comme les trépieds là, de caméra qui pointent tous donc vers le centre, où oui. À intervalles réguliers, il y a des flashs. Comme le flash des appareils photo. C'est fascinant. Exactement. Parce qu'à chaque fois, ce genre d'œuvre-là a une portée tout à fait différente, dépendamment du contexte. Là, j'ai eu l'impression que c'était comme une sorte de monde de l'art qui s'auto-contemple ou qui s'auto-questionne. Mais c'est toujours une question aussi de regard. Mm-hmm. Parce que quand on regarde une œuvre d'art, c'est quand j'ai pensé à toute l'expo, c'est aussi... avec l'idée du spectateur. Ouais. Il se place où? Pourquoi il est là? Pourquoi il pose des questions? Et qu'est-ce qu'ils attendent voir quand on fréquente les galeries, quand on est en avant, devant une œuvre d'art? Qu'est-ce qu'on voulait? Qu'est-ce qu'on attend que l'œuvre nous offre comme expérience? Oui, je comprends. Puis aussi dans le centre, ce que je dirais qui me semble être peut-être un peu plus la pièce de résistance, pouvez-vous me parler de l'œuvre avec ces petits drapeaux noirs, avec les cartons de toutes les foires qui ont... Ce sont des cartons de toutes les foires qui ont lieu en ce moment, c'est ça, pendant l'exposition? C'est ce qu'on m'a dit à l'œil de poisson? Pardon? C'est ce qu'on m'a dit à l'œil de poisson, c'est bien ça? Oui. Okay. Mais tu parles de l'œuvre qui a des galeries avec des toiles noires. Oui, c'est ça. C'est comme une mini-foire. Ah non, c'était pas de celle-là dont je parlais de celle au centre. Là. On dirait qu'il y a comme des sortes de trépieds sur lesquels il y a des petits drapeaux noirs, sur lesquels il semble y avoir les cartons des foires qui ont lieu actuellement dans le monde. Exactement. C'est autour de 50 différentes foires qui est à l'affiche en ce moment, durant l'expo, partout au monde. Donc, c'est incroyable de savoir que à n'importe quel moment, il y a peut-être une centaine, ça c'est juste une petite partie, mais peut-être une centaine de foires en art contemporain dans tous les côtés du monde. Et il y a des personnes qui traversent le monde, qui sautent par avion d'une fois à l'autre juste pour vendre, acheter des œuvres d'art. Et ce marché-là, maintenant, c'est comme le capitalisme en général, ça mange tout. Ouais. Et maintenant, c'est en train de manger le milieu de l'art. Et puis, donc, je pose la question parce que c'est assez important à poser parce que des jeunes artistes, maintenant, commencent à produire avec ce sens-là. Ils commencent une carrière en art avec l'idée de faire de l'économie et peut-être d'avoir une bonne carrière. C'est aussi une question de vente. C'est important qu'on ait payé pour notre travail, ça, c'est sûr. Mais ma question et le questionnement autour de mon expo, c'est que jusqu'à quel point on peut permettre le capitalisme d'empiéter un peu sur qu'est-ce qu'on apprécie le plus. Disons que, est-ce qu'on est capable en même temps de garder la vraie valeur d'une œuvre d'art sans, si le marché est en état d'accélération comme il est actuellement? Puis aussi, ça donne cette impression, puis c'est un peu ce que j'ai vu. Bon, on a parlé de ce qu'il y avait au centre, mais je pense aussi à la maquette qui nous semble présentée comme un musée, finalement, où toutes les œuvres sont noires. Finalement, ce sont des objets, mais les œuvres, oui. Elles sont pas là, elles deviennent anonymes, puis c'est une certaine manière, peut-être leur valeur monétaire qui prend le dessus. Mais c'est aussi, je trouve qu'il y avait un petit peu d'humour dans tout ça aussi, parce que c'est vrai que la tendance, le capitalisme a sur le marché en art et dans les foires, c'est sûr qu'on peut voir seulement les œuvres qui sont vendables dans un certain sens. Donc, des choses qui sont à côté ou à la marge de qu'est-ce qui est acceptable par le grand public ou le public qui achète des œuvres d'art aussi. Mais ça affecte, ça commence d'avoir une influence sur qu'est-ce qui produit. Et c'est ça la question posée un peu. Mm-hmm. Et donc, c'est pour ça que c'était un peu noir cette fois-ci. Mais je promets que c'est pas toujours comme ça. C'est ça, c'est une black period. Hein, période, ça indique donc qu'il y a une fin à... C'est ça qui est super, qu'on peut passer à travers et puis à un moment donné, peut-être un peu de couleur, ça va faire du bien. Et parlant de passer à travers et tout ça, j'ai juste envie de conclure peut-être notre présentation de l'exposition avec la pièce au fond. Avec ce cercle qui nous semble, en tout cas moi ça m'a semblé une espèce de trou noir sans fin, là, j'imagine que c'est un fond de velours, un astre noir en même temps. Pouvez-vous nous en parler de celle-là? Mais c'était assez troublant pour moi d'avoir fait cette œuvre-là à côté de l'autre. Et je trouve d'une certaine façon qu'ils forment une seule installation. Ouais. Mais qu'est-ce que je trouve qui est intéressant? Mais en tout cas, moi, à 3h du matin, le soir avant le vernissage, j'ai regardé cette œuvre-là et ça me donnait des frissons. Mm-hmm. Il y a vraiment une grande intensité. C'est comme un grand œil. Et ouais. C'est comme ça que je le vois, parce que au centre d'un œil, il y a un espace noir qui avale la lumière, qui est, je pense, beaucoup. Mais j'ai passé à partir d'une vraie période noire, dans le sens que j'ai étudié le noir, j'ai étudié qu'est-ce qui crée le noir, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un noir le plus mât au monde, et j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup. Ouais. Et puis cette œuvre-là témoigne un peu de cette réflexion-là, plus objet, plus matériel, dans le sens que cette noire-là au milieu, je sais que ça avale, le point au milieu, ça avale à peu près 95% de la lumière naturelle qui touche. Donc pour l'œil, ça ajuste pas. On peut pas voir quelque chose, on peut pas deviner qu'il y a quelque chose là. Ouais. À une certaine distance dans la lumière de la galerie, c'est impossible de savoir. Donc, pour moi, qu'est-ce que ça... C'est pas un symbole non plus. C'est plutôt une expérience que ça offre le spectateur. Un noir plus noir que d'habitude. Plus noir qu'on est habitué de voir. Et avec cette expérience-là, j'espère que... Juste tout simplement cette expérience avec le spectateur et notre œil et le fait que ça ressemble à un œil, en fait, qui nous regarde en même temps. Et c'est ça que, pour moi, c'est pas une œuvre symbolique, mais c'est ça qui pourrait être peut-être suscité comme expérience. Vous parlez. Allez-y. C'est ça, oui. Je trouve que cette œuvre-là, pour moi, ça fonctionne plutôt comme un matériel très noir qui offre au spectateur l'expérience comme un grand œil qui le regarde. Ouais. Mais ça donne une dimension très intense à l'exposition, puis même ça nous fait voir le noir justement. Puis moi, quand je regardais l'exposition, j'ai pas pu m'empêcher de, parce que là on parle un peu de la réflexion qu'il y a derrière, mais j'ai pas pu m'empêcher de penser aux qualités formelles, le contraste du noir, la ligne, le motif du cercle. Tout ça est très certainement pensé. Oui, pour moi, c'est tout ça, c'est essentiel, c'est à la base de mon travail depuis très très longtemps. Mm-hmm. Et puis, je trouve que qu'est-ce qui est intéressant à retenir de mon travail, c'est qu'il y a un effort artistique pour mettre ensemble deux choses qui sont normalement très très très divisées par extrême. Et ça, c'est un côté qui est plutôt formel pour la forme, pour la matérialité des choses, pour l'intégrité des matériaux aussi. Et l'autre côté aussi, c'est la conceptuelle. Tout qui est abstrait, mais dans le sens conceptuel. Ouais. Et qui pourrait être comme un sujet. Donc, dans ce sens-là, j'essaie de forcer une idée avec un matériel et un mariage de deux choses comme ça qui fit ensemble. Et pour moi, ça crée pour moi, en tout cas, c'est dur à faire parce que c'est d'être en deux façons de penser toujours. Mais quand ça marche bien. Mais c'est ça, c'est vraiment... Quand ça marche pas, c'est terrible. Mais ça fonctionne quand même dans l'exposition parce qu'on y entre, puis sans dire qu'on est capable de tout comprendre d'un coup, même sans avoir lu l'intention, sans avoir lu le communiqué, on comprend quand même de quoi il s'agit. C'est ça. C'est mon grand espoir, c'est que tout le monde va vraiment l'apprécier de façon différente. Et je suis très content quand, ma tante ou ma grand-mère me pose une question ou m'offre une observation qui me fait réfléchir aussi. Donc, je pense que ça, c'est une œuvre d'art, c'est comme ça, c'est ouvert. Voilà. Bien, sur ces paroles, Michael A. Robinson, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, l'exposition Black Period est présentée dans la Grande Galerie de l'Œil de Poisson jusqu'au 7 juin. On fait une pause. Au retour, on discute avec Jean-Tiane Lafrance. C'est KRL. Québec. Ici Denis Lelièvre. À l'occasion du concert exceptionnel que donnera le quartet du saxophoniste Wayne Shorter à Québec, CKRL vous offre une émission spéciale relatant la carrière du musicien. Le lundi 25 mai à Midi Jazz. Du 21 mai au 6 juin, les jeudis, vendredis et samedis, à partir de 21h, découvrez le nouveau « Où tu vas quand tu dors en marchant » et redécouvrez le vieux Québec. Ce grand spectacle déambulatoire gratuit est une création du Carrefour international de théâtre, présenté par la Ville de Québec. Au Bal du Lézard, on célèbre la venue du printemps de belle façon. Le 2 mai, le trio Versant Musette. Le 9 mai, Smoking Badgers. New York Slaves, Alain Patient. Le 24 mai, Romy Mays. Le 31 mai, Matthew Hornell. Et le 6 juin, Jaune. Profitez des beaux jours à venir pour relaxer sur notre terrasse. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue. Informez-vous sur lebaldulezard.com. Enfin, le Salon de la Passion médiévale ouvre ses portes à Québec. Si le Moyen-Âge vous fascine et que vous rêvez de vivre une aventure épique, ne manquez pas l'unique Salon de la Passion médiévale les 30 et 31 mai au Cégep Limoilou. Avec plus de 80 exposants, de la musique, des spectacles en continu, ainsi que des combats de chevaliers à couper le souffle, toute la famille y vivra un véritable voyage dans le temps. Informez-vous au salonmedievalquebec.com, le Salon de la Passion médiévale de Québec. Venez vivre l'expérience. Les jeudis 9h, écoutez le 8e continent. Énergie verte, agriculture urbaine et activisme environnemental sont à l'honneur avec en vedette des organismes impliqués dans l'environnement. Cette émission est une présentation de la boutique Écoutantique. Écoutantique vous offre la plus grande sélection de produits du chanvre industriel à Québec. Écoutantique, 160 rue Saint-Paul et pour en savoir plus, écoutantique.com. Voilà, vous m'avez entendu dire oui avant même que je revienne en ondes. Julie Gagné avec vous à l'aérospatiale. J'accueille Jean-Tiane Lafrance. Bonjour. Allô, Julie. Jean-Tiane, t'es allée dans ce que je qualifierais de l'autre bout de la ville, à la maison Amel Bruno. Oui, une belle petite randonnée de vélo. En fin de semaine. Donc, à la maison Amel Bruno, qui présente toujours des expositions très appréciables. Ouais. Et cette fois-ci, je vous parle de l'exposition qui est une exposition un peu rétrospective du travail d'Anne Darby, qui est une artiste qui réside à Québec. Avec un beau catalogue qui accompagne l'exposition. Précisons que les catalogues sont gratuits hein, à oui. la Maison Amel Bruno, donc oui, ça vaut la peine. Oui, le catalogue est offert gratuitement aux visiteurs et il est quand même assez substantiel. C'est assez intéressant, très belle qualité, avec les textes signés de Hélène Matte, qui est commissaire de l'exposition. Donc, Don Darby et Hélène Matte qui se sont impliqués tous les deux dans l'îlot Fleury. Donc, ce lieu qui était tout d'abord où se retrouve le parc Saint-Roch, ouais. Qui a ensuite été déménagé sous les bretelles d'autoroute et qui a été dissous en 2007. Et puis, il y a quelques sculptures qui sont encore sur le site. Mais c'était vraiment un lieu de création artistique, de mobilisation citoyenne, donc où l'art et l'implication communautaire se croisaient. Donc, il y a eu aussi des jardins collectifs, des jardins communautaires et tout là. Donc, beaucoup de choses qui se passaient à l'îlot Fleury. Donc, c'est un peu aussi autour de ça que va broder Hélène Matte, de cet engagement citoyen qui va avec la pratique artistique de Darby. Donc, on entre déjà dans le hall et on est accueilli par une grande pièce horizontale qui est formée de plaques de rouille, donc dont les contours sont érodés, donc des formes assez organiques. Et bien sûr, il y a la projection d'un petit film qui permet de voir le mot travail. Situer Don Darby dans son contexte, oui, finalement. Oui, oui, tout à fait. Puis c'est intéressant parce que il y a une technique qui a développé avec le fusil de soudure. Donc, on peut voir cette technique-là dans la vidéo. Et puis aussi dans le hall d'entrée, il y a une maquette qui est présentée d'une de ses œuvres qui s'appelle Flic Flac, donc une œuvre des années 80 qui est une œuvre d'art public. Don Darby a fait beaucoup ouais. d'art public, beaucoup d'abstraction aussi, donc des années 70 jusqu'aux années 90, il était beaucoup dans l'abstraction, donc des pièces d'art public, des 1%. Et puis, cette maquette-là représente donc Flic Flac qui est à l'hôpital de... J'ai un peu perdu dans mon catalogue, je la cherche au fil des pages. Donc, qui est une œuvre qui est... Oui, à l'hôpital de l'Enfant Jésus, donc une œuvre des années 80, qui est une représentation abstraite du mouvement d'une gymnaste qui fait un Flic Flac. Donc, on a... tout ce mouvement-là qui est décortiqué, la figure humaine qui est complètement évacuée. Donc, c'est assez intéressant. Ça fait penser aux photos de Mouy Bridge ou des choses comme ça qui vont aller décortiquer les mouvements. Et dans la première salle d'exposition, on a quelques œuvres des années 90 principalement, et également un meuble dans lequel on retrouve des objets d'inspiration. Ça, c'est intéressant. Donc, il y a des objets qui inspirent l'artiste, principalement des gros objets industriels rouillés, des choses comme ça. Et puis, on va retrouver dans cette salle-là également ces fameux masques qui sont martelés, des masques de visage de ces hommes de Pékin qu'il appelle. Et puis, avant d'entrer dans la deuxième pièce, une petite entrepièce entre les quatre pièces de la maison, et il y a une petite sculpture, un Jésus-Christ qui date de 1980, qui est vraiment magnifique, où on peut voir cette technique-là où il travaille en... C'est comme des tronçons de fil d'acier qu'il crée avec son fusil à soudure, avec des gouttes de soudure qui se forme aux deux bouts. Donc, il finit par dessiner dans l'espace. Donc, c'est vraiment une espèce de sculpture, mais qui rappelle les traits de crayon. Des traits de crayon qui sont solides, qui sont métalliques, qui rappellent aussi, évidemment, son matériel de son matériau de prédilection en sculpture. Donc, dans la salle 2, On va avoir quelques sculptures et des études. On a un cheval qui traverse une roue, donc une pièce de 98. Donc le cheval est de cuivre et la roue, c'est une roue de camion érodée, complètement rugée par la rouille, donc avec les contours qui sont tout en dentelle. Et c'est une pièce dans sa démarche qui inaugure un peu son expérimentation autour des animaux. Donc, on pénètre dans la troisième pièce. C'est un bestiaire. Moi, j'appelle la pièce bestiaire. Donc, beaucoup d'animaux de la savane. Donc, on a des rhinocéros, des éléphants, beaucoup de grands félins et également un béluga. Qui est un peu plus gros que les autres pièces. Les pièces sont assez petites et on a vraiment une très belle démonstration de cette technique-là. Donc, ça fait une espèce d'entrelac, de fil de fer. On a presque de la difficulté à voir l'intérieur. Ouais, on ouais, se demande ouais, si c'est dense, plein ça. Ou si c'est vide ou comment c'est fabriqué. Et puis, il y a également des esquisses, donc des études qui sont exposées au mur. Donc ici, le dessin et les sculptures qui viennent un peu chercher la même technique que le dessin, donc ce trait dans l'espace. Et il y a un souci d'exactitude qui est assez impressionnant. Hein. On se retrouve face à ces petites bête-là qui ressemble à une vraie bête. Et au mur également est exposé un énorme fusain, un gros plan sur le visage d'un éléphant. Un visage parce que c'est presque un portrait. Hein. Ouais, c'est ça. Qui est assez impressionnant également. Dans le couloir, on va avoir des études, des esquisses sur les animaux encore, donc encore autour de la figure animale. Et face à ce mur d'esquisses-là, on va avoir des esquisses de personnages préhistoriques, donc ce qui annonce un peu ce qu'on peut voir dans la pièce double, donc la dernière salle. Donc, on est accueilli par l'homme et la femme de Pékin, qui sont deux sculptures de personnages préhistoriques, grandeur nature, faits avec des armatures de métal, donc des surfaces rouillées, évidemment, très impressionnant. Et puis, c'est sur ces visages-là d'hommes et de femmes de Pékin que vont être martelés à chaud tous les masques qu'on retrouve au mur. Donc, on a une série de masques. Donc, il y a cette espèce de fixation-là, d'expérimentation autour de ces visages-là à partir de différents matériaux. Là, c'est assez diversifié. Donc, on va avoir des cheminées rouillées, on va avoir du cuivre, on va avoir différents matériaux et la plupart du temps, des matériaux récupérés et érodés donc par le temps. Et souvent, les socles également des animaux sont faits de cuivre patiné par le temps. Donc on a de l'aluminium, on a des ustensiles de cuisine, on a de toutes sortes de supports pour ce travail. Je crois que l'artiste fait chauffer les pièces et puis ensuite il les appose sur le masque pour marteler, pour aller chercher l'empreinte de ce masque-là. Et finalement, dans la salle 4, on a exposé au mur beaucoup d'études de visages, de personnages préhistoriques, de gorilles également. Donc, il y a vraiment un intérêt pour cette période de transition de l'espèce humaine, hein, du singe à l'être humain. Je suis pas bonne dans les catégorisations biologiques. De tout ça, c'est bon. À l'homo erectus. Je sais pas, ouais, j'imagine, c'est l'homo erectus. Cette période de transition du singe à l'homo erectus, c'est diverses espèces aussi qui ont existé. De la nature à la culture aussi, là. Oui, exactement, de la nature à la culture. Et puis, également dans cette salle-là, est présentée une sculpture qui s'appelle Plus acide et qui côtoie l'homme de Java, donc qui est un peu l'ancêtre de ces hommes de Pékin que Don Darby reproduit encore et encore tout au long de sa démarche. Et cette pièce-là, Pluie acide, est un arbre aux branches dénudées qui se font une poutre d'acier rouillée. Donc, on a encore ce côté-là, nature-culture, et puis, bon, le danger aussi de l'action de l'homme sur la nature. Donc, de ces inquiétudes-là aussi qui transparaissent beaucoup, beaucoup dans le travail de Darby. Et puis, également exposé dans cette dernière salle. C'est pas vraiment une exposition, c'est une exposition rétrospective, mais la façon dont les œuvres sont étalées dans l'espace, c'est pas vraiment chronologique. C'est vraiment des regroupements qui vont aider aussi à comprendre la démarche de l'artiste. Un peu plus pédagogique, oui, finalement. Oui, un peu plus pédagogique, un peu plus évocateur aussi. Donc, dans cette dernière salle-là, donc je parlais de L'Homme de Java, qui est une pièce de 1964, donc qui est antérieure à toutes ces expérimentations-là, qui est entièrement formée de d'armatures de métal, vous savez, pour le béton armé, là, ces armatures très texturées. Ouais. Et il est un petit peu plus grand que nature, donc avec évidemment ces carrures d'hommes de Cro-Magnon, Néandertal, très impressionnante, mais avec ses percées aussi dans la sculpture, où il y a une certaine fragilité aussi, une certaine évanescence, même si c'est un matériau qui est très dur, qui est très... ça donne une légèreté. Oui, en fait. Il y a une certaine légèreté aussi dans ces sculptures-là. Et finalement, dans cette pièce-là, on retrouve la pièce qu'on retrouve sur la couverture du catalogue, donc une femme de Pékin encore, une exposition à voir, donc Dunderby, présentée jusqu'au 31 mai à la Maison Amel Bruno. Ben merci beaucoup, Gentiane. Je l'ai pas vu encore, mais j'ai vraiment hâte d'y aller. Là, je voulais y aller, mais là tu viens de me botter les fesses. Voilà, ben merci beaucoup. On s'en va en pause audio, on écoute la pièce Inoperative Interfaces. Au retour, on discute avec Alexis Bellavance. Thank you. Voilà, il est 18h15. J'accueille à l'instant Alexis Bellavance. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, très bien. Je me permets de tutoyer là, de ce pas. Je ne sais pas, j'ai eu cette tendance-là naturelle. Alexis, tu présentes Les premiers à regard. Oui. Le titre m'intrigue, Les premiers. Ça fait référence, en fait, à... Ben, si je décris l'œuvre, on peut comprendre le titre par la suite. En fait, c'est basé sur les premiers témoins d'une explosion. OK, OK. Ouais. Parce que l'installation elle-même est une grande explosion multicolore qui est déployée dans la galerie, faite de plexiglas multicolore, puis d'une grosse pile de drums qui est comme répandue dans la galerie, comme si elle avait été projetée par l'explosion. Oui, c'est ça, hein, parce que quand on arrive dans la salle d'exposition, on voit donc ces drums-là, on entend comme un petit battement, hein, il me semble, là, qui est là. Oui, il y a un petit battement, je l'appelle le drum fantôme. Là. Ah oui, OK. Parce que ça n'en est aucun, c'est ça, de l'installation? Pardon? Tu dis c'est le drum fantôme, est-ce qu'on le voit dans l'installation spécifiquement, celui-là? Oui, okay. On voit les caisses. En fait, c'est que les drums sont tous reliés à des petits moteurs vibrants qui tapent sur les peaux des drums. Puis, quand on franchit un détecteur de mouvement, tous les moteurs s'activent à 100%, donc ça devient très cacophonique. Mais avant que la détection soit faite, il y a un léger courant qui se promène dans les moteurs vibrants qui crée un petit rythme. OK, OK. Puis c'est intéressant parce que ça crée comme une sorte de tension quand on arrive, parce que bon, tu sais, la galerie à regard est en forme de L. L'installation, la dite explosion est dans la petite partie. Mais là, on arrive, fait noir, il y a de la lumière, il y a ces drums par terre, il y a un petit son. On sent qu'il y a une sorte de volonté, pas de volonté, mais de montée dramatique. Et là, on approche le tadam. Oui, exact. Plus on s'avance, on sent qu'il y a quelque chose vers la droite qu'on voit pas, mais on voit les projections multicolores sur les murs qui viennent de cette source-là. Puis au moment où on voit l'explosion, ben tous les drums s'allument en même temps, en fait, avec ces petits moteurs. L'automate drummer se met en fonction. Puis je trouve ça fascinant aussi parce que c'est comme si ces drums-là qu'on voit par terre, c'est la conséquence d'une action, mais c'est aussi ce qui nous amène à y aller. C'est à la fois comme un début puis une conclusion. Oui, effectivement. C'est moi, j'appelle l'explosion qui est mise sur pause. Donc, il y a comme une espèce de... Tu sens qu'il y a eu un début, qu'il y a eu une projection, mais en même temps, c'est arrêté, puis c'est aussi la finalité de l'œuvre. Tout est comme en suspension, comme un moment en suspension qui est comme arrêté dans son évolution. Dans le communiqué, on parlait qu'il y avait un clin d'œil au heavy metal. Le clin d'œil, moi, je l'ai vu beaucoup là, dans les plexiglas qui ont l'air d'être en forme d'éclair, là, qui rappellent vraiment les guitares, par exemple, des années 80, ou cette espèce d'ornementation. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a amené vers ça, le heavy metal? Pourquoi? Ben, c'était l'approche avec les drums, puis j'ai travaillé différentes options d'explosion, puis je trouvais que cette espèce d'approche là de heavy metal un peu typique des années 80, très power ballade là, tu sais, avec l'époque grandiose des drummers avec 75 tambours autour, tout ça se prêtait vraiment bien à ça, là. Parce que justement dans cette installation là j'abuse des drums, j'en ai une bonne quarantaine là dans l'installation. Et quand même, hein? Ouais. Puis bon, ben c'est ça, toute l'esthétique des éclairs de plexiglas multicolore, ça ramène à ça, effectivement. Puis c'est intéressant aussi parce que ça fait quand même, avec les effets de la lumière, tout ça, ça peut rappeler le feu, à tout le moins formellement. Ouais, c'est ça. Donc ça ramène à cette espèce d'étincelle-là de début d'explosion avec des flammes orange-rouge, plus foncées. J'ai aussi des flammes roses, mais bon, c'est plus pour le trip coloré. Là. Et j'imagine que le choix des drums n'est pas... il n'est certainement pas involontaire, là, mais dans le sens où tu as choisi, avec cette exposition-là aussi, de t'intéresser à la notion de battage médiatique. Donc, j'imagine que la batterie entre complètement dans cette idée. Oui, tout à fait. c'est aussi un instrument que j'utilise dans mon travail d'art audio puis de performance audio aussi que je fais devant le public avec des drums que j'utilise souvent. Puis je trouve que c'est un instrument dont le symbole est assez fort. Quand on parle de battage médiatique, justement, là, le jeu de mots saute dans l'oreille tout de suite. Là. Et pourquoi le battage médiatique? Ben, ça fait référence un peu au l'espèce de cacophonie médiatique qu'il y a dans notre quotidien, tu sais, de torrents d'informations qui nous viennent partout, qui des fois nous détournent un peu des sujets plus importants, tu sais, comme dans ce cas-là, il y a l'explosion, mais quand on visite l'exposition, le bruit de l'explosion tente à nous détourner un peu de l'explosion elle-même. La réflexion sur les murs tente à nous détourner aussi un peu de l'explosion elle-même. Ça, comme un jeu de critique face aux médias en général. Mais c'est un jeu aussi, j'ai trouvé que c'était un jeu entre le visuel et l'auditif, dans le sens où l'humain est fait, souvent la plupart des gens sont visuels, donc dès qu'il y a une image, l'image va devenir prioritaire. Mais là, dans ce cas-là, il y a l'image, mais le son est tellement fort qu'elle devient secondaire, puis c'est quand le son est sur pause que là, on peut retourner à ce qu'on voit. Ouais, puis si on veut que ça s'arrête, il ne faut vraiment pas bouger. Ah oui, parce que dès qu'on bouge un minimum. Pouvoir regarder l'œuvre en étant un peu prisonnier de l'espace sans bouger. Mais sinon, oui, le son prend vraiment énormément de place puis peut devenir un peu trop intense à la limite là, quand il reste longtemps. Là. Ça provoque quelque chose aussi là, chez le spectateur. Là, c'est impossible de rester impassible. Ouais. Oui, effectivement. Ça s'impose. J'ai vu certains spectateurs qui sortaient un peu en courant, d'ailleurs, hein, parce que c'est assez intense. Ça touche à beaucoup de fréquences. Puis pendant le vernissage aussi, là, ça ne devait pas arrêter en aucun moment? Hein? Non, ça n'arrêtait jamais. Donc, c'était un vernissage dans le noir et dans le bruit. Ah ouais? Les gens réagissaient comment? Ouais, on allait prendre des breaks dans les bureaux puis dans le vernissage qu'il y avait à côté. Question de respirer ouais, c'est ça. Un peu. En entrevue à Stéréo Local avec Michaël Bergeron, je pense que c'était la semaine dernière, je pense le 13 mai, tu disais que à la base, tu cherchais à créer un contraste entre l'explosion dramatique puis l'entertainment. Justement, j'imagine dans cette idée de battage aussi. Oui, tout à fait. C'est comme un jeu dans tout ça, c'est dans ce monde d'entertainment puis de trucs pour aller chercher l'intérêt du public. Il y a tellement de recettes, façons prouvées d'aller chercher l'intérêt, le regard du public, ou ben un peu comme un papillon qui va aller se brûler sur une lampe. Là. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est un peu ça là. C'est la symbolique qu'il y a dans l'œuvre en général, mais en même temps c'est aussi une œuvre qui peut être appréciée vraiment juste par sa présence, tu sais, son l'effet qu'elle peut avoir sur la perception du public. Ben oui, parce que définitivement ça crée une expérience là, on n'a pas le choix. Ouais. On réagit à cette œuvre là, que ce soit volontaire ou non. C'est une expérience assez physique, effectivement. Moi, j'ai trouvé, avec le plexiglas puis les couleurs, j'ai trouvé qu'il y avait une dimension pop aussi. Tu sais, puis la référence au heavy metal. Oui, je suis vraiment pas du côté dark du heavy metal. Je suis vraiment du côté pop. Du côté cheveux crêpés, là. Ouais. Et les sauts en spandex rose aussi, là, je vais dire, qu'il y a un peu là, de c'est cette... C'est comme un autre concept de virilité. J'ai un peu pris le bord avec les années, là. Je ne sais pas si on doit regretter ces années-là. Peut-être dans 15-20 ans, on y réfléchira encore. Ça va certainement revenir à la mode. Je me demande même si ce n'est pas déjà revenu puis reparti. Ah ouais, peut-être. Hein? C'est des loups. C'est ça. Eh bien, Alexis Libé-Lavance, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Voilà, donc l'exposition Les Premiers est présentée à Regard jusqu'au 16 juin. On fait une dernière et courte pièce, pause audio, pardon, on écoute Backfet Parasites. voilà, c'est déjà la fin de cette émission de l'aérospatiale. Je vous rappelle, c'est l'avant-dernière émission de la saison. C'est également mon avant-dernière émission puisque je terminerai là, 5 ans d'animation à l'aérospatiale sur les ondes des CKRL la semaine prochaine, mardi 26 mai. Donc voilà, je remercie mes invités, mes collaborateurs, puis je vous laisse avec Gilles Chaumel et son Fouque d'Amérique. Sachez d'ailleurs que c'est sa dernière émission lui-même. Il ne reviendra pas à la barre de cette émission. Mais par contre, il va nous proposer un projet, je crois, fort éclectique pour l'automne prochain. Donc voilà, bonne soirée à vous sur les ondes de CKRL.